Proposer un projet d'émission reflétant les intérêts de votre région ou devenir bénévole devant et derrière la caméra. Si l'animation, la recherche et les tournages télévisuels vous intéressent, écrivez-nous à infomatv@commercialvideotron.com ou visitez le matv.ca. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'épisode 14 de Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré, en direct sur les ondes de CKRL, le 89.1 à Québec. Ce soir, on a une émission avec le drapeau un peu en berne à cause du départ de notre guitariste hero de notre génération X. Ace Frehley nous a quittés et on sait que dans les épisodes 10, 11, 12, enfin, deux ou trois semaines, on a eu un spécial Kiss. On a parlé pas mal de Kiss sur Genix et Climax 80, donc on va lui rendre hommage ce soir. De toute façon, bon an, mal an, malgré tout, notre chagrin, on va avoir ce soir beaucoup de gros hits. On va avoir Cynthia Rhodes, on va avoir Indochine, on va avoir Joe Dassin, on va clore notre triptyque. Joe Dassin, on va avoir la grande Catherine Lara, anyway. Restez avec nous autres sur CKRL le 89.1 parce que ça va être pas mal bon en soi. Pour les nouveaux venus, parce que il y a toujours des nouveaux venus sur l'émission Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré. Alors, si on présentait un peu l'émission, c'est d'abord un feuilleton radio, d'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80. C'est le titre du bouquin, le texte, est interprété par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. C'est donc une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, composé pour vous des plus grands succès de la décennie 80. Alors, re-bienvenue à tous les auditeurs, à tous les fidèles et à tous les nouveaux venus. Bonsoir, Lana. Bonsoir. Alors, Est-ce que, malgré le départ impromptu, enfin, moi, je m'en attendais parce que la semaine dernière, j'ai vu qu'il était arrivé un truc, en fait. Il était tombé, enfin, il y a eu des problèmes. Je l'avais vu la semaine dernière. Et malgré le décès de Ace Frehley, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu es paré pour partir, enfin, pour initialiser ce départ pour la grande virée noctambule du Genix et de l'épisode 14? Paré et archiprête. Bon, parfait. Alors, étant donné que les chaussettes de la duchesse sont archi-sèches, ou sèches, ou archi-sèches, enfin, je crois que on va pouvoir y aller avec un récapitulatif et notre hommage à Ace, dont on a parlé déjà dans d'autres épisodes de votre feuilleton préféré, Genix et Climax 80, sur les ondes de CKRL Radio, en direct, la nuit, à Québec City. Rip it out, the Ace Frehley. Rip, Ace. On t'aime. Alors, précédemment, dans Genix et Climax 80, c'est le fun parce que dans un épisode précédent de Genix et Climax 80, on avait justement utilisé une chanson de Ace, New York Groove, pour faire notre petit récapitulatif de la semaine. Alors, précédemment, dans Genix et Climax 80, on a pu avoir droit à notre préface. C'était constitué d'une longue et superbe parlotte qui nous a duré deux bons épisodes. Donc, dans l'épisode 3, 4, 5 et 6, on a pu avoir... on a assis notre truc bien tranquillement. Et donc, on a vu... le réveil de notre Genix, le héros de notre feuilleton radio, votre feuilleton radio préféré, sur CKRL le 89.1. On a vu qu'il mangeait comme quatre et qu'il se réveillait chez le chum de sa mère. Puis la douche, le son dans le fond. Il jonglait pas mal. Il y avait un band, le petit. C'était son premier. Puis, dans les épisodes 7, 8, 9, 10, on a pu voir sa participation assidue au spectacle de Iron Maiden Twisted Sisters, qui nous a autorisé à cette digression absolument à propos au sujet de Joe. Non, pas Joe le taxi. Hey, Mouad, c'est le taxi excellent qu'on a pris juste il y a pas longtemps hein, pour venir au studio. Salut Mouad, tu es un excellent taxi et on te salue. De même qu'on salue ton beau pays, le Maroc. Salut tout le monde du Maroc. Donc voilà. Ensuite, on est venu à Kiss. On a eu notre spécial de Kiss il y a environ 2-3 semaines. Non, 3 semaines, un mois plutôt. Le show de Kiss derrière chez Tigui Lacombe, un autre bungalow boy du quartier. Et puis, ça nous a menés, tout doucement, vers le créateur de toutes choses. Enfin, du rock and roll. Elvis Presley, the king. Yeah. Thank you very much. Et donc, voilà. Dans l'épisode 13, le dernier épisode, on a pu retourner aux années 80. On a pu donc reconnecter avec le pourquoi de toute cette rétrospective. On voulait comprendre d'où venait notre Genix. Et on était rendu donc au moment poignant de l'éclatement de la famille et de la perte de valeur du Genix. Et donc, dans le dernier épisode, on a pu voir que sa maman était partie. Et c'est là qu'on était rendu. Alors, on va pouvoir aller dès maintenant à la séquence 1. C'est à la page 122. Et ça s'appelle KFC. Non, c'est pas... Ça veut pas dire fuck la police à l'envers. Ça veut tout simplement dire Kentucky Fried Chicken. Et c'est à la page 122 de nos petites chroniques romano-poétiques ou poético-romanesques. Comme vous voudrez. C'est à vous de voir. Donc, séquence première, page 122. J'avais été travailler comme chaque dimanche au KFC, dont mon père était le gérant. J'y bossais déjà depuis presque un an. J'étais très content d'avoir un emploi. Cela me procurait de l'argent de poche en quantité substantielle pour mon âge. De plus, cette relative indépendance financière, due à mon statut de salarié à temps partiel, s'indiquait de surcroît. J'avais même ma carte chez les métallos. Donc, mon statut de salarié me donnait sans doute les moyens de quelqu'un d'un peu plus âgé. Avec les filles, en tous les cas, avoir un peu de monnaie pour aller au cinéma... Je me disais que ça ne pouvait certainement pas nuire. Surtout que, déjà à l'époque, K rentrait progressivement dans le décor. Donc, à part ça, rien de spécial pour le dernier week-end de l'existence effective de ma famille. Devant ta glace, tu te vois triste sans savoir pourquoi. Notre cher Joe Dassin, qui, avec cette chanson, Si tu t'appelais Mélancolie, on clôt le triptyque. Si Joe Dassin, Si tu t'appelles Mélancolie, en direct sur les ondes de CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Solitude. Si tu t'appelles mélancolie, en effet, pour l'oublier ensemble, les chiens perdus, les incompris, on les connaît, on le ressent. Et demain, peut-être, puisque tout peut arriver n'importe où. Tu seras là au rendez-vous et je saurai te reconnaître. Si tu t'appelles Mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude. Alors, on va dédier cette chanson à tous les mélancoliques de cette belle grande ville de Québec, où il fait un temps clair et c'est un peu frais, mais c'est parfait pour prendre une marche et écouter Genix Cityclimax 80 tranquillement, comme ça, sans se presser. Bonne nuit, mon beau Titan, si tu nous écoutes. Bonne nuit, mon beau Léon. On se voit bientôt. Alors, c'était Joe Dassin. Et pour la troisième semaine consécutive sur Genix et Climax 80, il fallait bien qu'on sévisse et qu'on mette nos culottes et qu'on décide que Joe, il va passer trois semaines. Et c'est ça, c'était la clôture de Joe. Pas Joe la bouclée, Joe Dassin. Non, la croche-cœur de Sainte-Foy, c'est passé. Désolé pour ceux qui l'ont manqué. C'était un excellent morceau de crise de personnalité. On va dire ça comme ça. Et donc, ça nous avait permis aussi de fitter George Armstrong Custer, le colonel. La bataille de Little Big Horn, vous connaissez? C'était dans Genix et Climax 80, dans un autre épisode, un épisode précédent. Mais c'est pas grave. Allons-y donc pour notre deuxième séquence de la soirée. Et ça s'intitule La crise. C'est à la page 123. La crise couvait néanmoins depuis quelques semaines, déjà quelques mois. Mes parents se disputaient à mon couvert depuis un certain temps. Je protestais à ma manière afin d'offrir un solide contrepoids, sans doute dans le but inavoué et saugrenu de les réunir autour d'une cause commune. Je réussirais bien, pensais-je, à les obliger à devoir offrir un front commun pour contrer mes nouvelles tendances à la délinquance. La DPJ parviendrait sans peine à leur mettre le nez dans leur caca. Ils seraient bien obligés de faire quelque chose. Je saurais bien leur redonner le sens des priorités. Il faudrait définitivement un encadrement plus strict et une surveillance accrue pour leur nouvel ado, du moins s'ils ne voulaient pas qu'ils se mettent à mal tourner et qu'ils ne deviennent réellement un voyou ou un vaurien. J'avais donc ainsi trouvé les plus nobles prétextes pour faire les 400 coups, avec au menu quotidien mes frasques scolaires, bagarre, indiscipline, cabotinage, bullying, torture psychologique de certains professeurs. Ceci dit, tout de même, ils étaient légèrement fragiles du bulbe. On m'accusait même d'incitation à la grève des étudiants visant à rétablir le droit de fumer dans l'enceinte. Aboli juste l'année d'avant. Rien que ça ? Ouais. Bon, pour la grève, j'avais cru bien faire. À la maison, dès que je rentrais, ma famille se retrouvait exposée. Enfin, ma famille, surtout mon petit frère, qui en avait pas grand-chose à foutre. Des doses journalières prolongées d'une musique très agressive, sauvage même, et souvent avec le volume à donf. Dans ma chambre, à la porte toujours close, dès qu'il faisait un peu nuit, les faisceaux de mon stroboscope à la lumière verte clignotaient au max. Cela me donnait occasionnellement quelques vertiges, quasi épileptique. Parfois, cela pouvait aussi ressembler au mal de mer. Enfin, j'avais un peu le tournis. Disons qu'il flottait aussi énormément de fumée de toutes sortes, juste histoire d'ajouter un sens de plus à ma révolte. Vous écoutez Cynthia Rhodes, la belle. Il est 0h21 et vous êtes sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec. And you spin the wheel of misfortune, watching it turn. Séquence 3, page 124. Les troubles. Les troubles entre mes parents, d'après ce que je comprenais, avaient supposément pour origine la frivolité de ma mère. J'avais pu saisir entre les lignes que mon père l'accusait grosso modo d'encourager les hommes, du moins ses nombreux clients réguliers du bar Lorraine, le rad le plus miteux de Lozon Beach. Et même de toute la rive sud, je dirais. Ça se trouvait juste vis-à-vis du chantier maritime de la Davy Shipbuilding. La plupart des clients de l'endroit y pointaient matin, midi et soir. Donc, en plus de son boulot à plein temps, elle avait commencé très rapidement à bosser là, deux soirs par semaine. Barmaid. À s'encanailler, sans doute. Et à se laisser draguer par les journaliers qui s'y côtoyaient pour une petite frette aux Lorraines. Dire qu'au début, c'était censé être seulement pour un soir par semaine. Or, on était bientôt passé, comme dans la chanson d'Adochine, à trois nuits par semaine, et elle voudrait le revoir. Alors, on va aller sans doute à la publicité, parce que je crois que on n'aura pas assez de temps pour mettre cette excellente chanson qui s'en vient. Et je vous le donne en mille, les amis. Le titre, c'est Les yeux noirs. Mais avant, on va aller à une publicité. Et on va vous dire qu'on est très content d'être ici avec vous ce soir afin de continuer de chercher cette chose qui nous ennuie, enfin qui nous obsède la nuit, c'est-à-dire l'exutoire. Mais avant, la publicité. De retour dans quelques instants. CKRL 89.1. Tous les mercredis, dès 11h30, CKRL présente en collaboration avec l'AQDR Section Québec l'émission Aînés, on vous écoute. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est un organisme sans but lucratif qui veille depuis 35 ans à la défense individuelle et collective des droits des personnes aînées. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org. Ou encore téléphoner au 418-524-0437, poste 0. À Télé-Québec, découvrez Piano Public, la nouvelle compétition animée par Grégory Charles et Viviane Audet. On cherche quelqu'un qui est charismatique, qui va nous raconter une histoire. 48 pianistes amateurs venant de partout au Québec avec une chance unique. La musique m'a sauvé la vie. Avec comme juge invité, Alex Nevsky, Fanny Bloom, Daniel Lavoie, Jean-Michel Blais et Cœur de Pirate. J'ai eu les larmes qui me sont venues à un moment. Qui sera le prochain phénomène du piano? Moi, c'est un double oui. Piano Public, samedi 21h et aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec. Le Palais Montcalm vous propulse aux frontières du jazz, de la musique du monde et du classique avec House of Waters. Dulcimer, basse à 6 cordes et batterie. Un trio explosif qui débarque pour la première fois à Québec avec un son aussi raffiné qu'électrisant. Nommée aux Grammy Awards, acclamée par la critique, la formation repousse les limites avec des compositions audacieuses et des performances renversantes. Le 6 novembre, assistez à une soirée déjantée et virtuose avec House of Waters au Palais Montcalm, Maison de la musique. Détails au palaismontcalm.ca. Ça y est, ils sont en bas. Tu crois qu'il nous a dénoncés? Des bêtes sauvages, comment ils t'ont traité? Je ne me suis jamais mêlé de politique. Peut-être que nous ne sommes pas si peu nombreux à penser ainsi. Grand-père émissaire du Troisième Reich, la première production définissante et finissante du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Un texte de Bertolt Brecht et Margaret Steffin dans une mise en scène de Jean-Sébastien Ouellette. Du 14 au 19 octobre, au Théâtre du Conservatoire. Billetterie en ligne au conservatoire.gouv.qc.ca. Alors, de retour sur votre feuilleton radio préféré, en direct sur les ondes de CKRL Radio, la nuit, au 89.1. À Québec. On va pouvoir retourner à la deuxième partie de Oui. Je sais. On me dit des choses et j'essaie de comprendre. Mais peut-être que en mettant le micro, peut-être qu'on pourrait comprendre. Les yeux noirs. Oui, voilà. Les yeux noirs, mais on n'avait pas fini la séquence et donc c'est pour ça que on va aller à la deuxième partie de la deuxième de la troisième séquence, donc à la page 124 et donc ça s'intitulait les troubles. Et donc allons tout de suite au fait. Donc, en plus de son boulot, le boulot de ma mère, à plein temps, elle avait commencé à s'encanailler, sans doute, et à se laisser draguer par les journaliers qui s'y côtoyaient pour une petite frette aux Lorraines. Dire qu'au début, c'était censé être seulement pour un soir par semaine. Or, on était bientôt passé, comme dans la chanson d'Indochine, à 3 nuits par semaine, et elle voudrait le revoir. Allons, maman, mais tu rigoles, j'espère. Tu vois pas que tes problèmes avec papa nous précipitent tous dans le mur? Et tout ça pour un gros pot de centimes chaque trimestre. Maman! Et elle me répondait sèchement de me mêler de mes affaires et de m'occuper de mes fesses. Tes yeux noirs, le tube iconique de la francophonie des 80s. C'est le groupe Indochine. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous allez vous coucher moins saoul ce soir. Indochine. Sur CKRL Radio, le 89.1, Québec. Indochine, c'est vraiment un gros morceau, je trouve, Indochine. Et c'est pour ça que c'est le troisième morceau depuis la semaine dernière. C'était vraiment le truc. Indochine sur les ondes de CKRL, le 89.1, sur l'émission Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré, tous les jeudis soirs à minuit. et c'est jusqu'à 2 heures du matin. Allons donc tout de suite, sans plus tarder, à la séquence 4 de notre soirée. Et ça s'intitule Octobre 85. Et je tiens à souligner aussi que, comme la Providence fait bien les choses, eh bien, il se trouve que nous sommes aujourd'hui en octobre, donc le 17 octobre précisément. Il est 00h35 et les événements relatés dans nos petites chroniques romano-poétiques datent de 40 ans en ce même mois d'octobre. Je trouve ça formidable. Sachez d'ailleurs, chers auditeurs et lecteurs, que tous les événements traduits ici, dans nos petits manquements à la littérature, sont des faits vécus, archivécus. La littérature, pour moi aussi, ça fait... Une des choses importantes, ce serait une certaine forme de... un partage qui soit sincère et surprenant. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici, dans ce feuilleton radio, votre feuilleton radio préféré, sur les ondes de CKRL Radio, le 89,1. Et c'est en direct de la belle ville de Québec. Allons-y donc avec cette séquence qui s'intitule Octobre 85 et qui date aujourd'hui de il y a 40 ans. Vous imaginez que les Israélites ont eu le temps d'errer dans le désert et pendant 40 ans, et nous, 40 ans nous séparent de ce moment fatidique, de cette fameuse virée noctambule, la première nuit blanche du Genix. Et vous, vous en souvenez-vous de votre première nuit blanche? Séquence 4. Et on la dédie aussi à Dantel Belmar, notre ami. On lui souhaite bonne fête en retard. Bonne fête, Dantel, cher artiste de la rue Saint-Jean. Et sache que la chanson qui suivra sera aussi pour toi. Alors voilà, séquence 4, octobre 85. Quoi qu'il en soit, disons qu'à la maison, tout cela a commencé dès la rentrée 85, à très solidement nous bouffer la tête à tous. Surtout dans le cas de mon père. Cela faisait suite à ce cours de mixologie que ma mère venait de compléter avec succès quelques mois auparavant. Mon père avait laissé faire, étant donné que cela devait ramener un peu plus de blé sous le matelas. Ça en faisait un peu plus pour mettre à gauche. Ça pourrait toujours servir, au cas où. Pourtant, sans que je ne veuille l'admettre tout à fait, tout cela m'inquiétait beaucoup. J'ignorais si cela était véridique. Par rapport à ma mère, je veux dire. Enfin, la suite des événements de cette nuit, toutefois, devait confirmer peu à peu cette version. Et je n'allais pas tarder à le découvrir, à mon grand désespoir. Bonne fête, Dantel Belmar. C'est pour toi cette chanson, Nuit magique. On te souhaite une nuit magique en notre compagnie et en celle que tu jugeras adéquate. Bonne fête, Dantel. Dans cette ville étrange, C'est la grande diva Catherine Lara. Elle a participé, bon an, mal an, à la trame sonore de la construction de notre belle planète des 80s. Catherine Lara, sur les ondes de CKRL Radio, la nuit, à Québec. Voilà pourquoi je me retrouvais à divertir mon âme dans la nuit noire de toutes ces facéties infantiles, suivant la voie de chemin de fer qui semblait vouloir se prolonger pour moi jusqu'au bout de la nuit. Une nuit effrayante que je retrouvais à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de mon petit cœur encore si tendre et si peu préparé à toutes ces douloureuses désillusions qui allaient s'en suivre. C'était Nuit magique de la grande diva des années 80, Catherine Lara. On te salue, Catherine. On ne sait où tu es en ce moment, mais on est sûr que si tu savais ce qu'on fait, tu nous appuierais à 110%. Ça, on le sait. C'est presque un fait. Enfin, allons-y, sans plus de bavardage, à notre séquence cinquième de notre soirée Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie et même peut-être au-delà. On verra. Enfin, allons-y donc. Pour cette séquence crève-cœur, la cinquième, je crois. Enfin, Peu importe. Allons-y. Je prenais la désertion. La désertion. Je prenais la désertion de ma mère pour la pire des trahisons. Cela confirmait sans équivoque les soupçons qui planaient déjà sur elle. Bien plus, elle nous abandonnait tous les trois pour aller retrouver un autre homme. Un putain d'étranger, vous vous rendez compte? Son amant. Oui, le mot avait été lâché. Comme un pavé dans une mare à sec. De ce fait, l'humeur languissante de mon père, tel un malheureux yo-yo, alternait intempestivement entre colère et désespérance dès qu'elle s'absentait pour faire une course ou deux. Black Sabbath, The Wizard, en direct sur les ondes de CKRL Radio, le 89.1, la nuit à Québec. Ce contexte plutôt tendu que juste après le travail vers 20h30, donc ce dimanche au soir, le dimanche où ma mère était partie, j'avais téléphoné à la maison pour prévenir mon père que je m'attarderais un peu chez Pierre, son assistant. Il vivait seul dans un 3 pièces au premier étage d'un bloc appartement infâme, situé dans un secteur peu recommandable, qu'on appelait à l'époque à Levy Beach le Bronx. Ça se trouvait tout au bord de la rue Bossuet, dans le centre résidentiel Louis Fréchette. Pierre habitait juste derrière le Canadian Tire. C'était Black Sabbath dans un de leurs meilleurs moments avec leur chanteur fondateur, ce bon vieux Ozzy Osbourne, qui va revenir durant l'épisode 14 nous chanter ça. Donc, on va pouvoir y aller avec la suite de notre séquence 6 à la page 126 qui s'intitulait Le Bronx. Pierre était également plus âgé que moi d'une bonne dizaine d'années. On m'acceptait un peu comme la mascotte du groupe. Alors, je croyais que je faisais beaucoup plus mûr que mon âge. On était bien partis, en tout cas, pour un charmant dimanche soir, à se détendre, en compagnie, en bonne compagnie, quoi. Après une dure journée de travail. Eh ouais, je n'avais que 14 ans, mais je me la jouais aussi volontiers avec quelques bières Budweiser à boire entre collègues de boulot. Des gars qui m'appréciaient, dont Jeff B., le dernier rentré, avec lequel j'étais devenu assez bon copain. On avait ça en commun, qu'il appartenait lui aussi à la bande, la petite clique de derrière l'école. Night after night, my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Although between the sheets only brings exasperation. It's time to walk the streets. Smell the desperation. On écoute Men at Work et leur fameux tube de l'année 1982, Overkill. On salue les passants devant le studio. Je sais pas s'ils nous ont vus. On dirait que oui, en tout cas, ils sont pas sûrs. Anyway, Men at Work, Overkill, sur CKRL, le 89.1, la radio, la nuit, à Québec City. Come back another. Dédie aussi cette chanson à tous les gens qui travaillent, à tous ceux qui bossent cette nuit et qui aiment la bonne musique et la bonne compagnie. Vous écoutez Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. C'était Men at Work et leur tube de l'été 82 ou 83, Overkill. Alors, on veut faire une petite annonce sur Genix et Climax 80 pour cette fête de l'Halloween. On va avoir un spécial Halloween. Et donc, on va aborder une nouvelle qui s'inscrit dans un cycle de nouvelles du même auteur que Genix et Climax 80. Donc, M. Florian, votre animateur, tous les jeudis soirs à minuit jusqu'à 2 heures du matin sur les ondes de CKRL Radio. N'oubliez pas aussi que vous pouvez toujours appeler au 418-640-2575, 418-640-2575, afin de nous dire ce que vous en pensez. On sait que c'est votre feuilleton radio préféré, mais on a quand même envie de un peu d'interaction. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux. Donc sur X, on a un compte qui s'appelle Genix et Climax 80. Donc vous cherchez, vous allez trouver sur CKRL. Et sur Facebook, vous pouvez aussi vous ajouter à ma page artiste, Monsieur Florian. Facebook, Monsieur Florian, c'est en lettres majuscules. Vous cherchez, vous allez trouver. Cherchez et vous trouverez. Et après la pub, on vous revient avec Def Leppard et Rock of Ages, qui sera dédié à Jean-Luc Ford, notre ami Jean-Luc Ford. CKRL 89.1. Vous aimez le patrimoine et l'histoire du Québec? Découvrez Continuité, la seule revue québécoise entièrement consacrée au patrimoine sous toutes ses formes. Le plus récent numéro explore le patrimoine olfactif et la mémoire des odeurs. Des plats de grand-maman au parfum des êtres chers, laissez-vous transporter par vos souvenirs sensoriels. Jusqu'au 31 octobre, obtenez 25% de rabais sur l'abonnement d'un an ou sur les numéros à l'unité avec le code promo RADIO25. À la recherche d'une sortie culturelle? Envie de découverte en famille, en amoureux ou entre amis? Découvrez l'offre culturelle de votre région en un seul clic. Visitez ose.media et laissez-vous inspirer pour votre prochaine sortie. Du théâtre à la danse, en passant par la musique et les arts visuels. Ose.media est votre porte d'entrée vers la culture d'ici. Découvrez, vibrez, osez. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec le Oscar Peterson Centennial Quartet. À l'occasion du centenaire du légendaire pianiste canadien Oscar Peterson, quatre virtuoses lui rendent un hommage vibrant en interprétant ses œuvres les plus célèbres ainsi que de grands standards du jazz. En prélude, une présentation multimédia et les mots de sa fille Céline Peterson vous plongeront dans l'univers intime du maître. Le 24 octobre, célébrez les 100 ans du mythique Oscar Peterson au Palais Montcalm, Maison de la musique. Détails au palaismontcalm.ca. Il n'y a rien de plus frustrant que de réaliser qu'on a oublié de décongeler le souper. Dans ces moments-là, une pizza semble être la bonne solution. La boîte à pain vous gâte. La deuxième pizza est gratuite quand tu commandes en ligne. Offre valide du dimanche au mercredi dans les succursales participantes. Plus d'infos sur boiteapain.com. Le site archéologique Quartier Roberval à Cap-Rouge prolonge sa saison de visites libres jusqu'au 21 novembre. Venez admirer la vue spectaculaire depuis la passerelle, capturer des clichés inoubliables ou simplement vous ressourcer au cœur de paysages automnales magnifiques. Ne manquez pas cette dernière chance de découvrir un site historique et une vue impressionnante avant l'hiver. N'oubliez pas, cet automne, on se donne rendez-vous au site archéologique Quartier Roberval à Cap-Rouge. Alors, de retour sur l'émission Genix et Climax 80. Votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. Il est 1h du matin, les amis, à Québec City. Et le temps est absolument radieux et frais, parfaitement automnal. Et les feuilles mortes sont figées sur le bord de la rue. Donc, pas de vent, tranquille. On est bon, à soir, pour l'épisode 14. Et puis, on peut tout de suite continuer notre séquence et dédier la prochaine chanson à notre ami Jean-Luc Forgue, qui a son petit-fils avec l'œil du tigre assez prononcé. Et on va en reparler plus avant de son poulain, mais on veut lui dédier la prochaine Rock of Ages de Def Leppard. Et on va revenir là-dessus, sur Genix et Climax 80, parce que on a envie aussi de promouvoir l'œil du tigre. Et je pense que ce gars-là, s'il y a une chose qu'il a, c'est bien ça. L'œil du tigre. Salut Jean-Luc, on te salue et on va se reparler sur Facebook. Aussi, on voulait noter, marquer le coup. Demain, enfin ce soir, vendredi, ce vendredi, il y a un concert qui vraiment va être étonnant, et c'est demain, c'est Soothsayer avec mon chum Bob Girard et son band Dépérir qui vont jouer au quartier de lune dans la salle en haut. J'étais pas au courant, jusqu'à tout récemment j'étais même pas au courant qu'il y avait une salle en haut, mais je suis allé pour un concert, justement un gig trash metal, ça fait pas tellement longtemps, et ça donne le goût. Vraiment. Moi, je suis partant pour y aller. Pour l'instant, j'ai pas de billets. Si on reçoit deux billets, là, deux bacs, deux guest lists, là, c'est sûr qu'on y va. Mais on va peut-être y aller pareil. Écoute, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, les amis, de aller voir Soothsayer. C'est des Genix, eux autres aussi, là. Et d'ailleurs, ils ont leur part dans notre nos petites chroniques, Genix et Climax 80, qui, en fait, comme vous le savez, était censé résumer le parcours assez flou d'un band local de Québec. Et j'ai nommé Dissection de Québec City. Et donc, c'était des contemporains de l'époque. L'époque maximale de Soothsayer. C'était bon, Soothsayer. En tout cas, on les salue, et puis on va sûrement, sans doute, probablement, peut-être, aller les voir demain au quartier de lune, avec Dépérir. Salut Bob, on te salue, et puis quand tu veux venir à l'émission avec ton band, c'est quand tu veux. Voilà, donc pour notre annonce, et on peut tout de suite maintenant aller avec cet excellent titre qu'on dédie à Jean-Luc. Et on va y aller avec la séquence, le reste de la séquence 7. On avait tous prévu ensemble, après le travail, de blaster un peu de hache. Ce qui consistait à fumer de petites boulettes de haschich à l'aide de couteaux à pain rougis à la torche, ou plus simplement au rond du poêle. C'était très convivial, économique, et les effets s'en trouvaient décuplés. Vous écoutez Rock of Ages de Def Leppard. extrait de leur album Million Dollars, Pyromania. Et c'est sur CKRL, le 89.1, sur l'émission Genix et Climax 80. Et c'est en direct de Québec City. Évidemment, avec ça, on boirait quelques bières aussi. On pouvait bien, entre collègues de travail. Avec eux, je pourrais sûrement oublier momentanément ce drame de l'absence qui passait chez moi. Je les observais et les écoutais rigoler entre eux. Ils étaient marrants. Ça se passait bien. Écoutez Def Leppard avec leur fameux titre Rock of Ages. C'était extrait de leur album Super Vendeur de c'était Pyromania. D'ailleurs, on salue Sophie et Nancy de Saint-David Beach. C'était deux petites princesses qui se baladaient avec des t-shirts de Def Leppard. Et ça leur allait vraiment très bien. Et donc, on les salue. Nancy et Sophie. Toi, Lana, tu connais Nancy? Oui. Mais oui. Tu connais pas Sophie? Non. Mais en tout cas, on les salue et on leur souhaite un excellent week-end. Filles. Et d'ailleurs, on espère que vous le dites à vos amis, car il faut savoir que Genix et Climax 80, c'est une émission, à caractère littéraire. Mais c'est d'abord un feuilleton radio. D'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80, c'est le titre du bouquin qui est encore inédit. Et donc, vous pouvez aussi précommander le livre en téléphonant CKRL Radio ou en nous contactant sur les réseaux sociaux. Vous avez juste à aller sur le site de CKRL Radio et vous trouverez le lien. Donc, voilà. Alors, si on y va pour un petit synopsis de notre feuilleton radio pour les nouveaux venus, parce qu'il y a toujours des nouveaux venus ici sur Genix et Climax 80. C'est tous les jeudis à minuit jusqu'à 2h du matin. Donc, le synopsis, c'est que au milieu des années 80, dans la ville de Québec, On traite ici donc, en aérant tout ça, de beaucoup d'excellente musique. On traite des tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Nous, ici, sur les ondes de CKRL Radio, on est en direct pour chercher avec vous ce fameux exutoire. Et on se dit que peut-être, ensemble, on pourrait arriver à trouver quelques indices qui nous mettraient sur la piste. Ozzy, peut-être, aurait des bribes de quelques clés, des miettes. Dédier cette chanson de Ozzy Osbourne à tous les auditeurs Gen X ou Gen Z ou Alpha Generation. On veut vous dédier cette chanson de Ozzy Osbourne qui nous a quittés récemment, tout comme Ace. Il meurt tout comme des mouches ces temps-ci, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on veut vous dédier cette chanson à vous tous, auditeurs de Gen X et Climax 80. Et on veut vous remercier d'avoir élu Gen X et Climax 80 en tant que votre feuilleton radio préféré. Tout comme Ozzy d'ailleurs, qui nous approuve de là où il est sans doute. Et qui nous dit qu'on n'est pas si différents. Ozzy, on te remercie sur Gen X et Climax 80. Le feuilleton préféré de Ozzy Osbourne, live from Paradise. C'est pour toi aussi, Richard. Salut, Richard. Bon week-end. Et aussi pour toi, Martin. Martin Desruisseaux. Un fan de Gen X et Climax. Un auditeur. On se voit bientôt, Martin. Cher Desruisseaux. Je te souhaite la rivière. Je te souhaite la mer. L'océan. You're No Different. C'était Ozzy Osbourne et son extrait de cet album iconique de nos années Gen X. Et j'ai nommé Bark at the Moon. Bark at the Moon. Allons-y donc pour une nouvelle séquence. C'est à la page 127 et ça s'intitule Nostradamus était sur TVA. J'avais allumé la télé du salon. On avait pu regarder distraitement ce film, déjà cultissime à l'époque, plein d'une poésie d'apocalypse. On nous annonçait tout bonnement la Troisième Guerre mondiale, en plus de la venue prochaine de l'Antéchrist. Nostradamus, avec Orson Welles. Ça passait à la télé ce soir-là, sur TVA. Je l'avais déjà vu, ce film, 1000 fois. Pourtant, je prenais toujours plaisir à le revoir, toujours à réécouter ce langage étrange, et peut-être ce coup-ci, qui sait, découvrir la clé des mystères de ces étranges quatrains. Bref, disons que j'étais sorti un peu tard pour un dimanche soir. Tel que je le disais plus haut, on était à peu près l'époque où mes parents avaient commencé à vouloir m'imposer des heures maximales pour rentrer le soir. Surtout s'il y avait école le lendemain. Devinez qui, devinez quoi? Madonna! Vous êtes sur CKRL Radio, en direct, au 89.1, à Québec. Madonna. Toi, Anna, dans ton pays d'origine, la Yougoslavie. Toutes les filles étaient super folles. C'est sûr que haircuts, maquillage, la dentelle noire, les croix et tout ça, c'était vraiment in. Ouais. La dentelle noire. La danse. Alors, ça marchait autant en Yougoslavie, même avant l'éclatement. Oui. Tu vois, c'est comme ça. Madonna, c'était les années 85, ouais, je crois. Elle a dit aussi qu'elle supportait les étudiants. Ah oui? Oui, oui, oui. Elle a dit ça publiquement. Tant mieux. Pour une fois, c'est pas des trucs woke. Enfin. On a écouté Madonna... Papa Don't Preach sur les ondes de CKRL Radio. La radio. La nuit. La nuit. Le Québec. Le 89.1. Allons-y donc pour... La huitième séquence. Non, la neuvième séquence. Et c'est à la page 127. L'horloge de la salle d'attente. L'horloge de la salle d'attente désertée de la petite gare du terminal de bus intercité de Levy Beach indiquait presque 23h30. Je n'avais pas vu le temps passer. Ou plutôt, si. Néanmoins, j'étais tout de même resté. J'avais désobéi. Débilement. Oui, voilà. Délibérément. Consciemment. J'avais fait un choix. Jusqu'à la fin du film. Et je me retrouvais là, sur ce banc. Et il était beaucoup trop tard. Then I shall be alone. That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone. What else can I do? Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now we have to say goodbye. Cyndi Lauper et son tube planétaire Time After Time, c'est sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec.

le vendredi 31 octobre à minuit, à 0h donc. Donc dites-le à vos amis, les auditeurs. Alors on y va maintenant pour notre séquence 10, page 128. Ça s'intitule le SO. Là, pensez pas le SO, SO, les lettres SO ou le SO que j'aurais oublié peut-être de compléter ma pensée avec le S, le SOS. Non, non. Il s'agit du SO. C'est une station-service qui était ouverte toute la nuit à Levy Beach, sur le boulevard de la Rive-Sud. Donc allons-y pour la séquence 10 de notre soirée Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Après avoir quitté la soirée des collègues avec cette haleine de bière, je cherchais vainement à la tromper en mangeant un paquet de chips barbecue yum yum acheté au dépanneur du SO. Le SO, il restait ouvert toute la nuit, comme une ressource de dernier recours pour les bus intercités et surtout aussi pour l'essence et les chips barbecue. L'entrée principale du SO faisait face au boulevard de la Rive-Sud, avec ses 6 postes à essence. Tandis que, à l'opposé, on avait la sortie, communiquant avec la gare d'autobus. Juste un étroit couloir, avec de longs bancs de bois. J'étais seul. Il faisait froid. Je mâchouillais mes chips, en me rongeant l'essence, à me demander lequel de mes deux mâles serait le plus abordable. Rentrer ou ne pas rentrer? Là était la question. The Clash. Should I stay? You got to let me know. Or should I go? Should I stay or should I go? Vous écoutez CKRL, le 89.1, la radio, so you got to let la nuit, should I stay or should live I in go? Quebec City. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Alors, rentrer. Devrais-je subir le clash, les foudres et les flèches des sermons de mon paternel? Ou bien alors affronter la fragilité de ses pleurs, le cas échéant? Ce qui aurait été encore pire, je le craignais. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? If I go there, will I stay, it will be double. So come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Alors, on dédie cette chanson excellente des années 80, The Clash. On la dédie à tous ceux qui pensent au Clash, mais qui ne font qu'y penser. Ils ne font qu'y penser. Alors, on leur dédie cette chanson. On la dédie à leur discernement et à leur sang-froid. Et on y va. Tout de bon. À la suite de nos petites chroniques. Comme il devait sûrement se sentir confus, mon bon papa. Sans maman, sans sa femme bien-aimée, qui dirigeait sa vie et sa conscience depuis bientôt 15 ans. Il devait certainement ruminer le fait que, comme toujours, il pouvait compter sur ce satané vilain petit canard, moi, pour le faire tourner une fois de plus en bourrique. Comme d'habitude, il arriverait à faire le contraire de ce qu'on lui demandait. Ce petit merdeux tardait encore à rentrer. Depuis tout bébé, il n'en avait toujours fait qu'à sa foutue tête de mule. Didn't you? But you were wrong, old bean. Cause we're back with a vengeance. God save the Queen, my son. God save the Queen, my son. On salue la reine qui nous a quitté l'année dernière. C'était pas pour de bon. Enfin, c'était pas pour notre bien, parce que on a le roi Charles et je sais pas si je suis d'accord. Oupsie. Hey, oubliez pas, demain, au Quartier de Lune, il se passe un concert pas mal sharp. Ça va être nos collègues, Genix, les Soothsayers de Québec City, qui ont sorti un nouvel album. Ils vont le défendre au Quartier de Lune demain. Donc, avec le band de notre ami Bob Girard, un excellent tripeux et son band Dépérir. On va l'inviter bientôt. Sid Vicious and the Sex Pistols. Ils nous chantaient ça pour le jubilé du 25e anniversaire de Sa Majesté la Reine Elisabeth, seconde du nom. In Deus Gracias. Donc, voilà, allons-y pour l'avant-dernière séquence. C'est donc la 12e séquence. Et ça s'intitule Ouille, aïe, aïe. Et c'est à la page 129. Ouille. Il allait sûrement m'agonir. Mon père. Enfin, bien que j'étais probablement le dernier de ses soucis à ce moment. Ou peut-être pas. Avec les parents. Dans le doute, j'avais donc opté pour la deuxième solution, celle où j'avais décidé solennellement de ne pas rentrer à la maison. Non, ce soir-là, j'ai décidé de partir dans la nuit, à la recherche de ma mère, sur les traces de cette vilaine fugitive. Je croyais bien avoir une piste pour commencer mon enquête. Il m'était revenu soudainement à l'esprit que, la veille au matin, en me réveillant de ma grasse matinée du samedi, quelques mots d'une conversation téléphonique de ma mère avec ma tante Lucille m'avaient d'abord semblé anodins. Mais il m'apparaissait à présent comme la première pièce de ce puzzle géant, le tout premier que la vie me donnait généreusement à résoudre par moi-même. Quelle aventure, me disais-je. Et je les chantais pour guérir. Retourne-toi. Une heure 45 dans cette belle ville de Québec. C'est tranquille. Vous écoutez Charlie Lee Couture sur les ondes de CKRL Radio. On est en direct. C'est du vrai monde qui vous parle. Allô? Charlie Lee Couture sur l'émission Genix et Climax 80. 89.1 à Québec. Des mélodies faciles, naïves. Utopique, sans oser le dire, pour me protéger. C'est une chanson extraite d'un film qui m'avait beaucoup marqué, qui mettait en vedette cet excellent Coluche. C'est les débuts aussi de... Merde, je me souviens plus de son nom. Celui qui avait reçu la gifle, la vraie gifle de Coluche. Ciao Pantin, où Coluche, à contre-emploi, jouait le rôle d'un flic... absolument désabusé, amer et profondément alcoolique. fait, c'était Retourne-toi, le titre. Les nuits sont longues, c'est une autre chanson, pour une autre fois. Un autre épisode de votre feuilleton préféré, Genix et Climax 80. En direct, ce soir, 17 octobre 2025, il est 1h48. Et on y va avec la 13e et dernière séquence de ce 14e épisode de Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec City. Le 32 Côte du Passage, et c'est à la page 129. Il me semblait, durant la conversation téléphonique, qu'il y avait été question de l'adresse d'une maison de chambre dans Levy Beach. Le 32 Côte du Passage. Mon intuition me disait haut et clair que j'étais sur le bon chemin, qu'il me suffirait de marcher confiant et sans siller vers mon destin. Fort de cette illumination, j'ai terminé mon chips barbecue et, sans plus attendre, je me suis jeté tout pêle-mêle dans les bras mystérieux de ma ville endormie, telle une morte clinique, ignorante d'absolument tout, y compris de ma cavale improvisée de cette nuit-là. J'allais, pour la toute première fois, voyager aussi loin que je pourrais sur ce chemin déserté par les vivants. Allégé par la nuit, j'allais vivre une aventure enivrante à la recherche d'une vérité douloureuse, étouffante. Beat It de Michael Jackson, le roi de la pop, défiguré au cours d'une pub pour Pepsi Cola en 1985. On écoute Beat It. C'est tout pour ce soir, pour l'épisode 14 de votre feuilleton préféré. Le seul, d'ailleurs, feuilleton radio dans toute la francophonie. Et c'était ce soir, le 14e épisode. Et on a été ravis d'essayer de vous amuser, de vous endormir. Enfin, il est 1h52 et on va finir ça sur la chanson de notre hymne fameuse, The Starship. Et c'est comme ça qu'on se quitte, les amis. Bonne on vous revient. Bonne nuit, Anna. Bonne nuit, tout le monde. Et on se revient la semaine prochaine pour l'épisode 15. Et l'émotionnalité, écoute, ça s'en vient progressivement. On entre, c'est le pivot de l'histoire. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, les amis, pour un 15e épisode de Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter aussi en balado-diffusion, dans le bus, en traîneau, partout où vous jugerez adéquat de nous écouter. Genix et Climax 80, l'épisode 14, c'est fini pour ce soir. Bonne nuit tout le monde sur les ondes de CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Est-ce que... Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on va aller au quartier de Lune ce soir? Voir Stéphane Morin? On peut voir c'est quoi l'as des l'ambiance. Du karaoké. Parce que Steph... salut Steph, si tu nous écoutes, enfin, en différé, puisque tu es aux commandes du karaoké. Et on se propose d'aller faire une petite chanson Elvis? Ou... OK, bonne nuit tout le monde sur CKRL Radio, le 89.1 à Québec. Un petit mot aussi pour les élections municipales. Il va y avoir une émission cette semaine. Regardez ça là, sur le site de CKRL. Il y a une émission où il va y avoir un débat où chaque parti devrait avoir droit au chapitre et donc ils vont débattre de certains sujets. Écoutez CKRL Radio, les amis, pour en savoir plus sur les élections municipales le 2 novembre prochain. Faites votre devoir de citoyen. Faut que ça marche. Faut qu'on tente la chance. D'une demi-pause. Retiens ce que tu t'apprêtais à produire, à émettre, à penser. Le monde peut t'attendre. Tu le sais déjà. C'est inscrit dans chacun de tes soupirs. Il y a dans ton imaginaire une portée sans mesure, un endroit où cesser de n'être qu'une note dans la partition du monde, un endroit où œuvrer au cœur même de ta propre symphonie. Un simple endroit où naître. Attends. Il paraît que c'est la première chose que j'ai dite, enfant. Attends. De tout ce qu'on me répétait, la première chose qui s'est rendue du dehors à mon cœur et du cœur à ma langue. Je connais peu le solfège et la théorie, mais j'ai assez le sens de la musique pour dire que l'air du temps sonne faux. J'ai comme une vague dans le ventre qui s'insurge sur place. Un chef d'orchestre fâché, un redresseur de croche, un correcteur de partition qui voudrait mettre au pas ce monde en cacophonie. Un maître autonome, isolé, résolu à infuser dans ce foutoir un reggae perméable à la détresse, à l'illusion et au désenchantement. On a tant orné l'expérience vitale de friandises et de fioritures qu'on oublie le plaisir simple de l'essentiel. Les piqûres de l'eau fraîche, le silence de la forêt et la douceur de l'apprivoisement. Arrête. L'air du temps n'est plus au diapason des quatre saisons. Attends que le tempo se repose et reste. Être n'est plus à la portée du monde, n'est plus au cœur de nos compositions. Il y a tant à faire taire dans l'ego avant de rester là, dans un semblant de néant. Il faut se laisser dépouiller par le temps, attendre que les armes s'abaissent, que le murmure du cœur disperse la rosée. Je t'imagine, comme moi, bien arrêté, juste avant cette place où germe la parole et le geste, rêvant de revenir à ces états premiers d'ouverture que sont la naissance, la croissance et le déploiement. Bon, tu peux y aller maintenant, mais reste en même temps. Reste dans la force tendre de ton être, cet air de vide humide qui peut transformer tous les replis et les violences en cellules d'émerveillement. Comme si tu espionnais le monde